Je ne peux pas rester indéfiniment immobilisé derrière ce véhicule arrêté qui constitue ainsi un obstacle à ma progression. Je peux donc franchir la ligne continue après avoir cédé le passage au véhicule qui pourrait surgir en sens inverse. Je suis tout de même tenu de laisser un intervalle latéral de sécurité d'1,50 m au moins en dépassant le cycliste. Je fais donc cette manœuvre à allure très réduite et avec la plus grande prudence. Réponse A et D.